c'est fou. Aussi loin que je peux regarder, je vois trop de violence autour de moi. Quartier, violence, télé, violence, journal, violence, foyer, violence. Même dans les garderies et les cours d'école, violence. Les petits se tapent dessus à coups de Pokémon. Les grands se tirent dessus à coups de Magnum. Un mec s'est fait tuer, pas plus tard qu'hier. Trois coups de revolver pour un regard de travers. Tous les jours c'est K1 qui tue son frère. Tous les jours c'est Oedipe qui tue son père. C'est toujours la même rengaine, tous les jours les mêmes problèmes. Du dimanche au samedi, des petits meurtres entre amis. Si la vie était une chanson, la violence en serait le refrain. Haine meurtrière serait les couplets, c'est certain. Une vie de tristesse, une vie de détresse. Sans cesse Satan est en liesse, cultivant nos faiblesses. Regarde autour de toi, personne ne marche plus droit. Le diable a corrompu bien des hommes et chacun cultive les jardins de Babylone. Regarde autour de toi, personne ne marche plus droit. Le diable a corrompu bien des hommes et pour la terre entière c'est l'heure du glas qui sonne. Du sexe partout. Le sexe est partout invité, partout au rendez-vous. Sur les écrans de télé, il est tous les jours le bienvenu. Tout le monde sait que pour vendre du yaourt, il faut une femme nue. Plus le sexe est fou, et plus ça nous excite. On l'aime explicite, on l'aime illicite. Certains fantasmes, même sur des trucs de fou. Je sens des fois que je leur foutrais tous des coups. Le zoophile fait ça avec des animaux. Le nécrophile aime les cadavres encore chauds. Le gérontophile aime les vieux gaga. Et le coprophile aime faire ça avec du caca. Y'a des gens fous de sexe tout autour de nous. Et des plus jeunes aux plus vieux. Les folies sexuelles font partie de notre quotidien. Demande auprès de pédophiles et à nos politiciens. Regarde autour de toi, personne ne marche plus droit. Le diable a corrompu bien des hommes et chacun cultive les jardins de Babylone. Regarde autour de toi, personne ne marche plus droit. Le diable a corrompu bien des hommes et pour la terre entière c'est l'heure du glas qui sonne. Je dis tous, car trop peu sont épargnés. Même beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont contaminés. Ils ont lu la Bible complètement au travers. Et la douce parole de Dieu dans leur bouche est devenue amère. Ils tuent la parole de Dieu, il a mésestime. Estime que tout le monde doit penser comme eux, que seuls en sont dignes. Ils nous répètent toutes les semaines que nous sommes frères. Mais ce sont les premiers à vouloir faire la guerre. Que dire d'un chef religieux complètement étrange, qui égare leurs brebis sans que ça ne les dérange. Qui joue les pauvres devant nous, quelle supercherie. Alors qu'on sait tous qu'ils sont tous supercheries. Des nouveaux pharisiens, des juges en puissance, qui massacrent l'amour et détruisent l'espérance. Messager du désespoir et apôtre de l'horreur. Mais Dieu veille, bientôt viendra l'horreur. Regarde autour de toi, personne ne marche plus droit. Le diable a corrompu bien des hommes et chacun cultive les jardins de Babylone. Regarde autour de toi, personne ne marche plus droit. Tous des fous. Regarde autour de toi. Tous des fous. Personne ne marche plus droit. Tous des fous. Regarde autour de toi. Tous des fous. Personne ne marche plus droit. Tous des fous. Regarde autour de toi.